si le film ne fait que commencer, on sait déjà ce qui va se passer. Grâce un peu à la bande-annonce insérée. Au début, je suis déçu. Même si je viens à peine arriver, on sait déjà ce que je vais compter. Grâce un peu à mon teint basané. M'as-tu vu? J'ai tout vu. Moi non plus. Même si chacun connaît ton quartier, encore tu vas nous le vanter. Grâce au fait qu'il soit si bien déneigé. M'as-tu vu? Oui j'ai vu. Tu m'as. Personne ne t'applaudissait. Rien de tout ça atteint notre oreille. Grâce à l'amour propre qui te connaît. Avoir su, j'aurais dû. Tu t'es. Même si la rampe de l'escalier fut récemment solidifiée, tu ne devrais pas t'y adosser. Un accident est si mal arrivé. Je veux pas que tu meurs.